Le lendemain. Tu l'as connu, ma chère Éléonore, ce doux plaisir, ce péché si charmant que tu craignois, même en le désirant. En le goûtant, tu le craignois encore. Eh bien, dis-moi, qu'a-t-il donc d'effrayant? Que laisse-t-il après lui dans ton âme? Un léger trouble, un tendre souvenir, l'étonnement de sa nouvelle flamme, un doux regret, et surtout, un désir. Déjà la rose au lys de ton visage mêle ses brillantes couleurs. Dans tes beaux yeux, à la pudeur sauvage succèdent les molles langueurs, qui, de nos plaisirs enchanteurs, sont à la fois la suite et le présage. Déjà ton sein, doucement agité, avec moins de timidité, repousse la gaze légère qu'arrangea une main de mère. Et que la main du tendre amour, moins discrète et plus familière, saura déranger à son tour. Une agréable rêverie remplace enfin cet enjouement, cette piquante étourderie qui désespéroit ton amant. Et ton âme plus attendrie s'abonne nonchalamment au délicieux sentiment d'une douce mélancolie. Ah, laissons nos tristes censeurs traiter de crimes abominables ce contrepoids de nos douleurs, ce plaisir pur dont un Dieu favorable mit le germe dans tous les cœurs. Ne crois pas à leur imposture. Leur zèle barbare et jaloux fait un outrage à la nature. Non, le crime n'est pas si doux.